émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Soprano. Bienvenue à vous tous, ça va bien? Nous sommes en public pour cette deuxième soirée, le Planète Rap de Soprano, l'album est là, il s'appelle Cosmopolitani, il sortira lundi prochain dans les bacs. Sopra toute la semaine à découvrir, alors pour tous ceux qui n'ont pas la chance de venir ici en live pour participer à ce grand moment, vous nous écoutez, vous pouvez mater les images sur l'appli, sur skyrock.fm, sur la radio, un peu partout dans toute la France, avec le hashtag aussi Soprano sur Skyrock pour réagir. Et comme ça a bien commencé hier soir, on va le faire chaque soir, on va tâter l'ambiance, voir comment ça se passe hier. C'était le feu dès le premier morceau. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir Soprano? Est-ce que d'entrée de jeu, vous voulez du live avec Soprano? On va voir si vous faites plus de bruit que sur hier sur le morceau Cosmo. Vous êtes prêts? Mesdames, messieurs, voici Soprano ici en live! Est-ce que ça va ou pas? Je veux voir tout le monde les bras en l'air. Tout le monde les bras en l'air. Est-ce que vous êtes prêts? On y va! Tout le monde avec moi! Où sont les filles, les femmes, aux tempéraments des guerrières? Oui, qui savent comment faire la fête, qu'elles soient mères ou célibataires? Où sont les hommes, les gangsters, les pauvres, les millionnaires? Sur 20, où sont les quartiers? Les blocs, les HLM mis de côté. Les résidences des quartiers humains, les 205 euros du net. Où sont les plaques? Les blancs, les jaunes, les verts, les rouges, les gris. Loin des amalgames politiques, bienvenue en cosmopolitan. Et on y va! Montre-moi comme tu es. Ce soir est un jour de paix. Ah, montre-toi comme tu es. Bonsoir Sopra. Eh, ils sont chauds. Ah, ils sont chauds, hein. Ah, ils sont chauds. J'ai vu des. Je sais pas si tu as vu, aussi, il y a des écharpes. J'ai vu des ultras. Regarde, Ultra Marseille. Tous unis en cosmopolitanie. Et un supporter parisien, bienvenue au premier rang. Bref, c'est la Non. Bref, c'est la cosmopolitanie. S'il te plaît, Fred, ne commence pas à foutre la merde. On est venus. Tout le monde est en train de s'amuser. Le mec, il est là avec un maillot du PSG, un mec du l'OM. On est regarde, tous ensemble. Ton bouquin aussi, il y a ton bouquin, il y a une jeune fille avec ton bouquin qui est là. Mon livre. Merci beaucoup. Bon, ça va, Sopra ? Ils sont chauds. Ils sont bien, hein ? Ah ouais. Ah, ils sont bien. C'est bien, je trouve, de prendre la température avec Cosmo d'entrée de jeu, en fait. Hein. C'était pas prévu, mais je crois qu'on va faire ça tous les soirs. Hein, ah, c'est bien. Hein. Et on va voir quel soir fait plus le public fait le plus le. C'était bien ce soir, hein ? C'est lui ? Bon, je crois que ceux d'hier soir, ils doivent flipper grave parce que ce soir, je crois que l'ambiance, elle est. Et ceux de demain, ils ont la pression. Hein. Ceux de demain, ils ont la pression. On va saluer Mej qui est là aussi. Mej, évidemment, qui est au platine. Ça va bien, Mej ? Ah, on t'entend pas, Mej. On va te retrouver dans un instant. Tu arrives, Mej. Ça y est, d'entrée de jeu, le DJ, il est censuré, quoi. C'est pas possible. Bon, Sopra, tout va bien, Cosmopolitanie. Ça arrive dans 6 jours maintenant. Ouais. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que t'es déjà numéro 1 aujourd'hui, puisque est arrivé un morceau cette nuit. Ouais. Un morceau qui s'appelle Clown, qu'on va jouer d'ailleurs dans quelques minutes, qu'on va jouer dans la soirée. Ouais. C'est un morceau, tu veux nous dire un mot sur ce morceau qui est numéro 1 actuellement des ventes ? Ben, déjà, merci à tous ceux qui le supportent. Franchement, ça fait plaisir. En plus, c'est un morceau totalement différent. Mmh. Tu vois, parce que comme je disais dans l'album, c'est un album avec plein de styles, parce que c'est pour ça qu'il s'appelle Cosmopolitanie. Et voilà, c'est un peu un morceau à l'astromaille, comme je dis, et avec un texte un peu sensé. Et voilà, ben on va l'écouter tout à l'heure et je vais expliquer un peu le concept. Et ben on va en parler tout à l'heure, mais j'en t'ai retrouvé, je crois. Voilà, c'est bon. Voilà, tu voulais dire quoi ? Ça va bien ? Ça va très bien, écoute, ça démarre fort. Ah, mais c'est toi, hein, avec ta balance. Regarde comment ils sont chauds. Ah, ça fait plaisir. Ça fait penser un petit peu à cette grosse tournée aussi que tu fais, que tu vas attaquer. Enfin, en même temps, j'ai l'impression que tu es en tournée tout le temps, Sopra. Hein. Ouais, ça n'arrête jamais. En fait, on a arrêté avec les psychiatres la tournée vers fin d'année, l'année dernière. Le temps que j'écris, je termine le livre. Et là, on a repris un peu les concerts. Là, on était en train de faire un concert, une petite tournée avec Esprit Musique, avec Patrice. On a commencé un peu à quelques dates. Et là, à partir de novembre, on continue. Bon ouais, et bon. Là, c'est un bon tour de chauffe cette semaine. Hein. Bravo, en tout cas. Ouais. Merci à vous d'être là pour ce Planète Rap en public. Ah, mais ils assurent, je te jure qu'ils assurent. Ici, au 118. Ah, y a des têtes que je connais et tout. Ouais. Ils assurent, ça fait plaisir. Tout à l'heure, il y aura freestyle, non pas par téléphone, mais quelqu'un qui va se faire le freestyle ici sur la scène. Yes. Pas mal. Il y aura aussi un petit blind test. On va voir si vous êtes très fort sur les sons marseillais, les gars. On va gagner. C'est un blind test rap marseillais. On prendra peut-être des auditeurs qui sont ici dans la salle qui vont vous affronter tous les deux. Ah ouais ? Ça vous va ? Attention, ou pas ? Mais il est fort. Ouais. Mais il est fort. Hein. On va gagner. Très bien. On verra ça tout à l'heure. Mais juste avant, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir en live, en public au 118. Écoutez, c'était hier soir dans l'émission dans Planète Rap. Skyrock. Remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. C'est parti pour le Planète Rap Soprano. Planète Rap. En live dans une salle de concert. Ça va bien tout le monde ? DJ Mej est au platine. Voici pour débuter en live Soprano avec Cosmo. Ça fait plaisir, Sopra, faut quand même que t'expliques, parce que c'est toi qui as voulu réunir plein de monde dans une salle de concert. Hein. Tu m'as dit, pour le Planète Rap, je veux un truc différent. Il y a plein de gens qui n'ont pas la chance de venir en concert nous voir. Mmh. Je me suis dit de le faire en live ici, c'est une bonne idée. Et petit jeu du vrai ou faux, tout ce qu'on voit sur le net, alors il y a un peu de tout, hein, y a tout et n'importe quoi. Il paraît que t'as déjà prévu la sortie du prochain album en 2015 qui devrait s'appeler L'Everest. C'est vrai. C'est vrai ? Ouais, j'ai fait 6 morceaux déjà. Ah, le mec perd pas de. Ouais, on a fait. Et tu vas nous les faire maintenant en live ? Ah, putain. Tranquille. Tu vas là, si je l'ai fait là. Et l'Everest, ça va s'appeler. Ouais, ça va s'appeler l'Everest. Deuxième info, il paraît que tu as acheté le maillot de l'équipe de foot de Suède, Floqué Zlatan. Attendez. Non, attention. Attendez. Attendez, il essaye de mettre de la merde. Ne me mets pas des problèmes, j'ai des amis qui sont là, ils sont mal à l'aise depuis tout à l'heure. Oh, les regards lancés. Attends. Est-ce que tu es prêt ? C'est l'heure du live dans Planète Rap. Pour toute ta jeunesse de Sky, on le fait. Pour les frangins enfermés, on le fait. Ma vue. Pour les frangins enfermés, on le fait. La famille, tu as compris. Planète Rap. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, Planète Rap. Et toute la semaine de retour sur Sky. Planète Rap. Planète Rap. Voilà, c'était hier soir dans l'émission. Est-ce qu'on va faire mieux ce soir? Et juste avant de balancer un morceau Sopra Extra de Cosmopolitani, on l'écoutait dans ce replay. J'ai un petit cadeau pour toi. Qu'est-ce que tu vas sortir? Attention. Ah non. Un petit cadeau. Alors, je dis ça pour ceux qui nous écoutent à la radio. Pour l'instant, c'est enveloppé. Hein. Tiens. Ouais, mais attention. Ouvre-le. On fait la même chose. Non. Mais non. On va voir si c'est le même. C'est un petit cadeau pour te mettre bien. C'était même une de tes demandes, un souhait. Ah. C'était un cadeau. On en parlait dans le replay. Je tenais à préciser que c'est le vrai club d'Ibrahimovic. C'est le maillot d'Ibra sous ses couleurs en Suède. Floqué Ibra. Ça lui va bien. Ouais. Et maintenant, le deuxième cadeau, c'est le maillot du PSG. Non, ça arrive. Ça, c'est pour le frangin. Tu peux le garder, il n'y a pas de problème, mon frère. Je te respecte avec, il n'y a pas de problème. Après, je serai obligé d'aller me nettoyer à l'autre Javel. Je pourrais pas. Bon, est-ce qu'il te plaît, regarde ce petit maillot pour. Non, par contre, pour ça. Te remercier de cet accueil ici. Regarde, les supporters de l'OM, ils n'ont aucun problème avec la Suède. On n'a aucun problème avec la Suède. Non, il y a presque les mêmes couleurs. Ouais. Non, c'est pas les mêmes couleurs. Presque. Ouais, je suis un peu pour les daltoniens. Voilà. Il y a presque un truc en commun. Merci beaucoup. Voilà, petit cadeau pour bien débuter la semaine. Franchement, je t'assure. Non, il est beau. Je crois que c'est ta taille. Tu pourras l'essayer tout à l'heure. Il fera du live Sopra avec nous tout à l'heure. Il y aura aussi le freestyle, je vous le disais. Petit blind test dans un instant. Et quel morceau on met alors Sopra de Cosmopolitani à faire découvrir? Est-ce qu'on met le clown maintenant? Non, on va mettre le clown après. Là, je voulais faire comme j'ai dit dans l'album. On a fait l'album s'appelle Cosmopolitani parce que justement il y a plein de styles. Là, j'ai envie de mettre un morceau rap qu'on a déjà envoyé qui s'appelle Préface. Préface, ouais. Voilà, c'est l'intro de l'album. C'est le morceau rap. Il y en a encore 4-5 encore dans l'album rap comme ça, mais celui-là c'est un peu comme à l'ancienne, comme quand je faisais La Colombe, quand je faisais d'autres styles de morceaux. Donc c'est une dédicace à tous les anciens. Vous le connaissez Préface déjà? Voilà. Ils le connaissent Préface et vous pourrez aussi rencontrer Soprano. On l'a pas dit, mais tu vas être en dédicace dès la semaine prochaine. Ouais. En séance dédicace, ça commencera lundi 13 octobre à Paris, à la Fnac Montparnasse à 18h. Le 14 octobre à la Fnac de Perpignan à 18h, pareil. Le 15 octobre au Champ Bordeaux-le-Lac à 15h. Le 18 octobre au Cultura. C'est Cabriès, c'est un plan de campagne. Hein, ouais, c'est un nouveau truc. Pas. Marseille. J'ai pas envie de vexer nos amis de Marseille. C'est Cabriès. Voilà. À 14h. Le 18 octobre, tu seras aussi, mais à 17h30 à la Valentine, au Cultura de Marseille. C'est ça. Il y a des Marseillais ou pas? Ah, la Valentine, regarde, ils sont là, ils représentent. Et enfin, le 29 octobre, Cultura d'Aubagne à partir de 15h pour retrouver Sopra en dédicace. On balance ce morceau Préface, vous le connaissez, vous allez pouvoir le chanter vous aussi. Celui-là, il est un peu plus. Il est un peu plus compliqué celui-ci. Ouais. Mais on ouvre l'album avec celui-ci. C'est celui qui ouvre l'album. Ouais, Cosmopolitani sera dans les bacs lundi prochain. Et Sopra avec Préface, c'est tout de suite. Attends, avant de commencer l'album, tu peux mettre un peu de l'encens? Yes. Nico, tu peux monter un peu ma voix? Okay. Que Dieu pardonne mes écarts, mes excès, mes manquements, mes yo-yo dans la prière, mes péchés, mes battements. Cœur pour la musique, pour la chair, pour l'argent. Qu'il accepte mon repenti avant le dernier jugement. Qu'il me donne l'endurance pour combattre mes démons. Qu'il me donne la patience quand je traverse le mauvais temps. Qu'il me donne le courage, la force et le ciment pour bâtir à mes enfants le bunker d'un régiment. Oui, je rappe depuis mes 15 ans. La chanson m'a évité la prison. Une pensée pour Papou, on t'attend à la maison. Les procès, les décès, la rue nous a bien baisés. Mais la vie c'est comme le rugby, t'as droit à plusieurs essais. Donc j'essaie, même blessé par les mauvaises relations. À cause de tous ces couteaux, j'ai le dos d'un hérisson. Mais t'inquiète, j'ai grandi. Je ne suis pas de ceux qui se vengent, mais plutôt de ceux qui croient en Dieu. Trop gentil, trop naïf, voilà mon plus gros défaut. Mon grand cœur, une gamelle, car assasié des corbeaux. Oui j'en souffre, oui j'en pleure, car je suis quelqu'un d'entier. Si la richesse est dans le cœur, dis-toi que beaucoup m'ont ruiné. J'ai souri à la mort, croyant que la vie me snobait. Dieu merci, ma famille m'a prouvé que je me trompais. J'ai connu les coups de crasse, les angoisses, mais j'espère que ça roule pour toi. Mais sans joint de culasse, des kilos d'exomine pour camoufler mes paniques. Un sourire factice pour cacher mon Titanic. J'ai rabé mes blessures, ma haine envers l'être humain. J'ai pleuré tout mon encre pour le sol africain. J'ai chanté le malaise de toute la France d'en bas. suis l'enfant du peuple, donc tu connais mon combat. Même si j'ai fait de l'argent, j'oublie pas mes HLM. J'ai toujours été sincère, j'ai toujours été moi-même. J'ai rappé pour la street avec des flows fantastiques. J'ai toujours fait le boulot, et ça sur n'importe quel feat. C'était pas pour le rallye, c'était pas pour la couronne. C'était pas pour être crédible, car je le suis pour ma daronne. J'ai promis aux darons d'honorer ses sacrifices pour devenir un bonhomme. Son histoire, c'est ma notice. Ma famille et mes amis que j'ai depuis la sixième. Je suis riche de leur présence, plus que de la SACEM. Les artifices du showbiz ne collent pas à mes principes. Faudrait que je fasse le voyou pour plaire à des journalistes. Donc fuck you, dis ça avec enthousiasme. Je ne ferai pas la caricature de tous vos fantasmes. Je garde mon image, mes principes, mes valeurs, en hommage à cette jeunesse qui se bat pour ses couleurs. À l'heure où le FN a brandi le flambeau, à l'heure où le FN me veut dans un grand zoo, je combats le racisme et toutes ces idées grotesques en gardant la banane à la Dani Alves. Au moins pour Inaya, Luna, Lenny, au moins pour ceux qui croient en cosmopolitanie. S'appelle Préface à l'instant, ça vous a plu ? Ouais ! Il est validé, Sopra en live ici au 118. Planète Rap est en public grâce à toi cette semaine, Sopra, je t'en remercie. Quel homme ! Ça fait du bien de voyager. Pas très loin non plus, mais ça fait du bien de voyager. Yes. Peut-être que la prochaine fois on le fera entièrement à Marseille. Peut-être. Ou autre part. Putain, ce serait le feu. Hein. Et autre part, qui sait ? Ce serait magnifique. La route est longue, là c'est le quatrième album solo. On est en bonne compagnie, donc ça c'est la bombe. Comme on dit à Marseille, on déguste. Voilà, on déguste, on le fait à la bille. Et tu as vu, il y a deux jeunes filles qui nous ont rejoints ici. Ouais. Il y a Lali. Salut Lali. C'est qui Lali ? C'est moi. Ça va Lali ? Ça va. Approche-toi près du micro. Tu viens de la Roche-sur-Yon exprès pour le Planète Rap en public. Bravo. Yes. Et tu es accompagné de ta copine Manon. C'est ça. Ouais, salut. Pareil, la Roche-sur-Yon. On est venus toutes les deux. Eh ben, bienvenue les filles. Avec nos amis. Avec nos amis, on est venus ensemble. Ah, il y a les mecs derrière. Vous nous avez oubliés là. Oh. Ça va bien les gars ? Ça va. Donc tout le monde est là. Petit blind test, est-ce que vous connaissez bien le rap marseillais ? On va dire. Vite fait. Non, mais on va s'entraider. Je crois qu'elle va nous mettre la raclée là. Là, vous avez du lourd. Si vous voulez souffler, ne soufflez pas. On peut nous aider. Hein. Alors attention, c'est simple. C'est moi qui vais prononcer les phrases. Ouais. Et très vite, vous me donnez soit le nom de l'artiste. Le mieux, c'est de donner le nom de l'artiste et le titre du morceau. Simple. Par exemple, premier extrait, alors là, il n'y a pas plus simple. Plus de cartable, il ne saurait pas quoi en faire, il ne joue plus aux billes, il veut jouer du revolver. I am. Mais I am, ils ont fait beaucoup de morceaux. Quel morceau ? Des frères. J'ai gagné. Tu as dit quoi ? J'ai dit I am, petit frère. Petit frère, bravo ! Un point. Bravo, mesdames. Ouais. Quel gentleman. Ah, vous avez été très gentleman. D'ailleurs, la preuve, tout de suite en son. Planet drop. Il ne saurait pas quoi en faire. Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieux, petit frère. Ah oui. Ça, c'est un morceau qui t'a marqué forcément, celui-ci. Ayam. Bon, on continue. Plus compliqué. Toujours le smile, même menotté au comico. Je m'inquiète pas, je sais que tu viendras me chercher en hélico. Ah ah. Ah toujours le smile. Vous voulez peut-être un petit indice ? Je crois que c'est Laura. Il n'y a pas de Don Choix ? Oh, Don Choix, et le point, il est pour Mej. Bravo, Mej. Ouais, mon pote. La preuve ? Sur lequel ? Avec Zao. Ah oui, au comité. Lune de miel. Eh oui. Attention, troisième extrait, les filles, un partout pour l'instant. Le rap, c'est un refuge pour ceux que la vie étrangle. C'est des kilomètres de notes, une passion, du bis, des euros. Le rap, c'est l'existence de nous autres. putain, voilà les questions qu'il pose. Non, mais là, il est. Est-ce que vous savez? Est-ce que quelqu'un sait? C'est pas possible. Ah, là, c'est technique. Je répète, peut-être que. Non, mais vas-y. Le rap, c'est un refuge pour ceux que la vie étrangle. C'est des kilomètres de notes, une passion du bis des euros. Le rap, c'est l'existence de nous autres. J'ai l'impression que c'est hard. FF, déjà, c'est FF sûr. Funky Family? Ouais, Funky Family, attends le morceau. Attention, 3, 2, 1, extrait. Eh ouais, Marginal Musique. Eh oui, on fait de la Marginal Musique. Moutou. Nous restons à un partout. Marginal Musique. Un partout. Un partout pour l'instant. Bon, il y a UFF, mais je j'accorde pas. Les filles, on se réveille là? Ouais, ouais, t'inquiète. Qu'est-ce qui se passe à La Roche-sur-Yon? Ah, bah, je sais pas. Bon, là, si vous me trouvez pas ça, ça va aller très vite celui-ci. On ne suit pas les critères imposés par l'homme. Pareil pour nos textes. On vit au. Réponse. Mapsicatra. On vit autant que. Voilà. 2-1. Attention, tout va jouer sur ce dernier morceau. Alors. Prêt? Vas-y. Les filles. Faites passer. On est prêts. Ah, t'inquiète, bien joué. C'est pas déjà la main sur le buzzer. Ouais, on a... Voilà. Je connais pas les femmes, mais je sais ce qu'elles volent. C'est quand t'as. Bon, Zone Java, c'est mon ami Joule. Joule, réponds. Oui. Ah, mais Zone Java. Voilà, Joule, un petit mot d'ailleurs sur Joule ou pas sur cette relève du rap marseillais qui arrive. Il y a plein de groupes qui arrivent. Lui, ouais. Lui c'est un passionné. Il fait des. Très des content pour lui en tout cas. Il fait des albums toutes les semaines. Mois. Ouais. Non. Il y en a un qui arrive là prochainement. Non, mais Joule, c'est genre de mec qui fait 3 morceaux par jour. Ouais, il est là. Il fait ses instrus. C'est lui qui s'enregistre. C'est lui qui met tous les effets, il mixe. C'est même lui qui l'envoie à la radio. Bon, en tout cas, on est obligé de vous avoir perdu. Bravo les filles, bravo, on peut les applaudir. Vous repartez. Ça va être fort, les filles. Vous repartez à La Roche-sur-Yon. C'est très simple, c'est pas. Ah, ouh, attends. On t'aura vu. Et on aura vu Soprano. C'est gentil, les filles. Merci en tout cas, bravo, les filles. Ouais, et dédicace aux potes. Bon, on va revenir dans un instant. Qu'est-ce que la photographie représente? Allez-y, si vous voulez passer des dédicaces, c'est le moment jamais, les filles. Hein. Dédicace à nos potes, Nico, Ludo, Didi, La Roche-sur-Yon et Ludo Nassif Photographie. Margot, Louis et Hugo. Et Panari. Yes. Merci à vous les filles, bravo. On peut les applaudir les filles qui étaient là avec nous. Bravo. On va revenir dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on balance comme morceau, messieurs Sopra? Qu'est-ce qu'on balance là, après la pub? Ben après la pub, on va passer Clown. Ah, Clown. Voilà. On l'écoute, tu en diras un morceau. On en parle après. Tu en diras un mot juste après? Ouais, vas-y. Allez, on écoute Clown. On parle même maintenant même. Il y a la pub. Allez, vas-y. Alors, un petit peu de pub. D'ailleurs, on fera aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions à Sopra ici aussi? Oh, Diego, que tu te meurs. Vas-y. Ah ouais, d'accord. Non, mais j'étais. Oui, j'ai vu, mais j'ai un truc qui est sorti. J'ai conversé avec un ami là, un code. Oui, tu conversais en code, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, hit me. Bon, bougez pas, dans un instant, on revient. C'est le Planète Rap en public avec Soprano, avec vous. Et on est de retour juste après ça. Comme toi, Soprano a choisi Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. De retour ici en public. Avec Soprano pour l'album Cosmopolitan ici au 118, cette salle de concert où toute la semaine nous serons. D'ailleurs, il y a les toutes dernières places à choper pour ceux qui nous écoutent, qui veulent vivre cette ambiance. Vous envoyez un mail à planetrap@skyrock.com. Alors n'oubliez pas votre numéro de téléphone pour qu'on vous rappelle très vite, parce qu'hier on a eu plein de demandes mais il n'y a pas les numéros. Donc allez-y, vous envoyez et peut-être que vous serez là mardi c'est aujourd'hui déjà, mercredi, jeudi, vendredi, ça passe tellement vite cette semaine. Donc dépêchez-vous, planetrap@skyrock.com, bien avec votre numéro de téléphone. Je voulais aussi qu'on parle rapidement avant de faire les questions du public. Sopra, t'as monté un site internet, enfin c'est une espèce de blog que t'as monté. Ah oui. Qui s'appelle All By So. Ouais, on a fait un blog avec mes amis, on a monté une sorte de blog lifestyle qui s'appelle All By So, qui est, comment ça s'appelle, l'éditeur, il s'appelle Monsieur Arnaud Fraîche, il fait une grosse dédicace, on met un peu plein de trucs à l'intérieur par rapport à des trucs que j'aime, des trucs que lui il aime, des, un peu des ambiances, des trucs qu'on trouve sur le net, des rendez-vous, des trucs politiques des fois aussi, des trucs de fringues, des clips qu'on a. C'est un bloc d'humeur quoi, de, voilà, d'humeur de Soprano. Voilà, parce que je s'appelle All By So. Ce sont là les baskets, la musique, ce coup de cœur, voilà. Voilà, avec mon ami. Le mode de vie de Soprano. Et bah allez cliquer All By So, mode de vie de Soprano à découvrir sur le net. Qui a des questions alors à poser à Soprano ici? Je me rends un peu dans le public avant de passer le morceau clown. Ah ouais, c'est vrai que toi tu as ton. Le son mic mobile. Ah voilà. Oh ouais, là son. Incroyable, vous pouvez me déplacer. Ça va toujours mobile. Bien ici? Fab, où est-ce qu'il y avait des questions? Il faut que j'aille par là-bas. Donc je vais aller dans le fond de la salle. J'essaie de me dépêcher. Dans un instant, il y aura aussi le freestyle. Et avec, tiens, le jeu Drive Club à choper, jeu en exclu à choper sur Skyrock cette semaine. Alors, c'est qui? Rabat, viens là, Rabat. Ça va bien? Donc Rabat, tu viens d'où? De Tremblay. Lève-toi, Rabat, lève-toi un petit peu qu'on te voit bien. On peut applaudir. Salut, Rabat. Rabat. C'est jamais facile devant une salle complète comme ça. Eh mais on voit bien d'ici, attends, Chota. Ah ouais, tu nous vois bien? Ah ouais, c'est bien. Nickel, cool. Rabat ta question. Je voulais te demander, est-ce que t'as déjà eu envie d'arrêter le rap? Et si oui, qu'est-ce qui t'a fait reprendre? Ben, franchement, c'est vrai qu'il y a des moments où, en plus, moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, qui a beaucoup de... Bon, pour ceux qui ont lu mon livre, ils ont dû capter, ils ont dû comprendre beaucoup de mes chansons. Mais en fait, chaque fois, je me dis que j'aime trop la musique, en fait. Donc chaque fois je reviens avec la musique. Après je fais de la musique par rapport à mon humeur. Si aujourd'hui je suis humeur Drake, je vais te faire que des chansons Drake. Si je suis humeur à faire de la musique africaine, je vais te faire de la musique africaine. Je suis vraiment du jour au jour, au jour le jour. Donc maintenant je me dis que je vais toujours continuer à faire de la musique, même plus tard, même si c'est autre chose. Je sais pas si c'est écrire des chansons pour les gens ou pas, mais j'aime trop ça. J'aime trop faire de la musique, donc je vais continuer jusqu'à la fin. Ça voilà. Te convient, Rabat? C'est bon pour la réponse. Voilà, on peut. Merci, Rabat. Je suis toujours dans le fond de la salle, cette fois-ci avec Samy. Tu nous vois toujours, Soprano? Ouais. Parce que nous, on te voit bien. Hein. Magnifique. Ouais, tu nous vois bien, ça va, Samy? Ouais, très bien, et toi? Salut, Samy. Moi, je viens de Créteil. De Créteil, Soprano. Yes. Alors, Soprano, je voulais te demander quel est, selon toi, le meilleur morceau que tu as écrit et le meilleur morceau que pas toi a écrit, que quelqu'un d'autre a écrit. Ouais. Oh là là. Moi, je sais pas. Moi, on va dire la chanson qui me reflète le plus, c'est le morceau Puisqu'il faut vivre. Ouais. Le morceau que j'ai fait dans mon premier album. Et après, la chanson que j'aime le plus, qui a été écrite, pas obligé que ce soit rap. Non, je pense pas. Hein. Ben moi, c'est une chanson de Zazie qui s'appelle Si j'étais moi. Cette chanson, elle est... quand je l'écoute, à chaque fois que j'ai un moment de doute, je suis en dépression, je suis pas bien, parce que vous me voyez sourire, mais des fois, hein, c'est un peu bizarre. Mais comment ça s'appelle cette chanson? Me donne tarpin de force, beaucoup de force. Excuse-moi, tarpin. Non, tarpin. Même pose de vocabulaire. Voilà, beaucoup de force. Ça me donne beaucoup de force et voilà, j'aime beaucoup cette chanson. Eh ben merci, on peut applaudir Samy. Merci Samy. Yes. Je te rejoins, Soprano. Et tu sais quoi, quand je vois tout ce public et quand je vois tout le monde ici, je me dis, tout à l'heure tu vas nous faire Fresh Prince en live. Ouais, en live, ouais. Et je pense qu'il y a peut-être un défi à lancer ici. D'ailleurs, on peut le suivre sur Skyrock FM. Ah, très bonne idée. On peut mater les images. C'est parce que moi, hier, j'ai relevé ce défi, je te rappelle. C'est vrai. Tu as dansé. Bon, tu as fait un peu le strip-teaser, mais ça, c'est autre chose. Mais ça, c'était avant. Il y a des pires mondes parfois, tu sais pas pourquoi. Non, est-ce qu'il y a des danseurs dans la salle? Il y a quelqu'un qui danse ou. De haut niveau, hein. Qui est très haut niveau ici? Ouais, tu danses? Pas obligé à la Carlton, mais au moins break. Non? Non. Il va se faire faire chier par son pote en fait. La bon, personne qui danse? Oh, bah, on va voir ça. On va réfléchir, on va essayer de trouver quelqu'un qui danse et quelqu'un qui va t'accompagner sur le morceau live de Fresh Prince. Surtout pour l'intro du morceau. Avant de passer au freestyle, il y a Frimo qui est aussi dans la salle que je vais vous présenter dans un instant. Mais est-ce que tu n'irais pas au platine s'il te plaît? Oui, je fuis. Voilà. Pour nous mettre ce morceau qui est déjà numéro 1, alors on va rappeler que ce morceau, quand on a acheté l'album, en précommande de l'album, on l'a. C'est ça, hein? Ouais. Le morceau s'appelle Clown. Ouais, c'est un morceau où j'ai écrit. En fait, comme je t'ai dit, j'essayais de chaque fois de faire des morceaux différents. Mmh. Par exemple, on a envoyé Préface, ce qui fait un peu plus rap. Celui-là, il est un peu plus différent. J'ai voulu faire un thème par rapport à un peu un truc qu'on a dans la société, c'est qu'on a tous un masque. Tous les jours, on est là parce qu'on n'a pas le choix, on doit sourire par rapport au boulot ou par rapport à plein de choses. Et dans le refrain, tu entends un truc, tu entends les la la la la, c'est parce que justement on est en train de rire, faire la fête, hypocritement peut-être pas, je sais pas, mais on a ce délire d'ambiance où on est obligé de sourire et pour faire bonne figure aux gens. On est tous cachés derrière un masque. Un muscle. Il y a des gens, ils ont des muscles, ils se cachent derrière des muscles, déjà. Aussi. Mais voilà, c'est un peu le thème, c'est un peu un morceau, comme je dis, lui d'avant, un peu, on va dire, Fresh Prince. Fresh Prince, c'est un peu à la DJ Mustard, pour ceux qui connaissent. Mmh. Celui-là, c'est un peu à la Stromae. Voilà. Et c'est bon, la chanson préférée de ma fille Naya. Et bon, donc, elle regarde là, je sais pas où elle est la caméra. Je lui dis juste bon, en face, regarde, juste en face là-bas. En face, elle est où? Là. Ouais, le petit point rouge que tu vois. Naya, tu entends ta chanson, voilà, tu es contente. Après, tu vas dormir direct. Sec. Je te fais des bisous, tu fais des bisous aux deux autres. Voilà. Donc après cette chanson, dodo tout de suite. Voilà, c'est ça. Mais je sens qu'il est chaud, on va le balancer. Une dédicace à monsieur Fred Savio pour la production. Le morceau est numéro 1 des ventes actuellement. Voici Clown. Désolé, ce soir je n'ai pas le sourire. Je fais mine d'être sur la piste malgré la routine. J'ai le maquillage qui coule, mes larmes font de la lessive sur mon visage de clown. Je sais bien que vous n'en avez rien à faire de mes problèmes quotidiens, de mes poubelles, de mes colères. Je suis là pour vous faire oublier. Vous voulez que ça bouge? Ce soir je suis payé, je remets mon nez rouge. Mais ce costume coloré me rend ridicule et me colle. Je me cache derrière ce sourire angélique depuis longtemps. Je ne sais plus m'en défaire, mais qui suis-je vraiment? J'ai perdu mon chemin. Avez-vous vu ma détresse? J'ai l'impression d'être un chien qui sait que rouger sa laisse. Mais ce soir la salle est pleine. Je voulais que ça bouge, donc je nettoie ma peine et remets mon nez rouge. À l'instant. Merci. A priori, ça leur a plu. Hein. Ça a plu aussi parce que moi, j'ai les messages aussi. Je vois tous les messages que vous nous envoyez de la France entière avec le hashtag Soprano sur Skyrock. Clown, j'accroche tout à fait les paroles. Clown est immense, le meilleur. Nouveau son qui tourne en boucle. Allez, Clown, j'adore. Cosmopolitanie, c'est de la tuerie. Soprano, ce son est une tuerie. Le meilleur, etc. Bon, bah voilà, beaucoup, beaucoup de messages qui arrivent et je lis sans filtre. Hein. Je vois les messages arriver. Merci pour les messages, merci, merci. Mais c'est un peu un message. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans les morceaux comme ça où on dit que justement. Que voilà, de temps en temps ça va pas, mais bon, on est obligé de garder le sourire. Parce toi, que t'es déjà ça. Monté sur scène ou t'étais au fond du trou? Ouais, il y a des moments sûr, où. Bien sûr. Bah, à la base, je parle un peu, entre guillemets, un peu de moi, des fois. Bah oui. Dans ce morceau, c'est vrai qu'à des fois, je monte sur scène, il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent juste avant, et après, tu es obligé de faire le concert, tu es obligé de faire le show. Bon, ça te rebooste pendant au moins une heure et demie, deux heures, oui, quoi. Oui, ça me rebooste et tout ça. Après, il y a aussi, tu as vu, c'est vrai que là, je parle un peu de moi, mais je parle de beaucoup de gens. Il y a des gens qui font un boulot, moi, à la rigueur, moi, je fais un boulot que j'aime, mais il y a d'autres personnes qui sont obligés de prendre un costume, d'aller au boulot, de subir un patron qui leur casse les couilles, mais pour garder leur boulot, ils sont obligés de garder le sourire et tout ça. A priori, il y a des patrons qui cassent bien les... Hein, parce qu'il y a la moitié des gens, je pense, qu'ils ont dû feinter le travail aujourd'hui, ou feinter l'école, mais c'est un peu une dédicace à toutes ces personnes-là. Et après, comme j'ai dit à la fin du morceau, on se bat tous les jours pour avoir un costume fait sur mesure pour nous, mais des fois, ben, la vie... nous donne pas le choix. Après, il faut se battre pour ses rêves et voilà, c'est oui. Le truc. Et le titre, en tout cas, Clown, il est dispo dès maintenant. Hein, si vous récupérez l'album en précommande, yes. Vous l'avez. C'est le morceau Clown qu'on écoutait à l'instant. Sur Skyrock, c'est l'heure du freestyle par téléphone d'habitude. Mais là, nous avons le freestyler qui est là. On peut le saluer. C'est Frimo qui ouais, est là. Ouais. Ça va bien, Frimo? Oui, toi, Fred. Tu nous viens d'où, Frimo? Ici. Bon, tu connais Sopra? Ouais, bien sûr, on a été on a fait un petit concert, on a été à Clichy. À Clichy, ouais. Donc on est en première partie. Et bah, Frimo de Clichy maintenant, regarde, la salle est à toi. C'est tu as une 30. Une 30 pour tout déchirer. Mej, tu nous balances l'instru, c'est parti. On y va le zin. Cric, boum, c'est ça les hommes, hein. Dimson, RDG, Dynamique, Clichy, Montfermeil. Yeah, FRIM hostile. Clichy sous bois, Montfermeil, cric, boum. C'est ça les hommes, hein. Ok, ça fait. Je suis un mec de test qui s'oppose en bas de beau bloc. Tous ceux qui me connaissent bois, vont connaître un choc. Même si tu connais la suite, je te rase et je passe à la suite. Depuis que je kick le rap, y'a trop de rappeurs qui ont pris la fuite. Ma plume est devenue dangereuse, trop de carrière qu'on a pendu. Dis-moi c'est qui le boss, avec moi pas tous entendu. Entends-tu la manière du flow que je manipule? Quand je pose, t'exploses ta chaud, appelle-moi canicule. Comme d'hab. Je déboule pour faire du sale, aucune inquiétude. Les rappeurs eux-mêmes le savent, eux-mêmes le savent quand j'ai kické le beat. Écoute le flow qui débite, à chaque point que je kick, ils veulent savoir où j'habite. Clichy, Montfermeil, tu connais 9-3, tu connais la zone, mais passe-moi une prod, je la prends, je la saigne. FRIMO, tu connais. Si le rap serait de la bouffe, MC, je serais polémique. Rappeur, rappeur, H24, j'aurais même pas eu de limite, non. Soprano Baba. Et on peut faire plus, on peut faire plus de bruit pour Frimo, s'il vous plaît. Merci Frimo, hein, bravo, bravo. On va rappeler qu'on peut te suivre aussi sur le net, un peu partout pour ceux qui avaient. Sur Twitter, comme d'habitude, là vous tapez FRIMO-du-bas officiel, ensemble, boum. Allez, encore des applaudissements pour Frimo à l'instant qui était en live avec nous. Merci Frimo. C'est bien aussi de changer le freestyle par téléphone et faire le freestyle sur scène. Tu vois, ça cette semaine. Lui, tu vois, ça, il est là, il a kiffé. Les gens, ils ont kiffé. Tu as kiffé. Ah, c'est lourd. Bon. Il a rappelé sur le son du frangin, tu vois. C'est, et, c'est ben, et bien maintenant, je pense que aussi tout le monde va se lever et tout le monde va kiffer puisque c'est l'heure du live avec toi, Sopra. Ah. Est-ce que vous voulez avoir du live de Sopra? Est-ce que vous attendez du live de Sopra? Est-ce que vous êtes prêt à danser à la Carlton? Attends, alors il me faut vraiment un danseur pour le début. Alors, est-ce qui veut venir attends, ici? Qui est danseur ou danseuse? J'ai dit danseur, il y en a de suite, j'ai vu plein de monde qui se sont baissés. Tiens, viens. Viens, regarde. Oh. Jeunes filles qui font la maligne et qui s'assied directement. Ah, mademoiselle, peut-être les petits. Ah, tu veux danser? Tu veux danser? Les allez, petits viens. Avec le maillot, ouais, mais ils vont pas oser, ils ont peur, ils ont peur. Mais est-ce que tu peux mettre le son pourquoi je veux que les gens y dansent? Allez, vas-y. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ou pas? Tout le monde tape des mains. l'environnement de ta vie, mais est-ce que ce côté est chaud ce soir? Est-ce que celui-là est chaud ou pas? DJ Mesh, Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, je débarque dans le club accompagné de mes thugs. La classe de Brad Pitt, normal que ta femme bug. Je marche qu'avec les vrais, ouais, je marche qu'avec les best. Y'a qu'à l'époque de Chris Cross qu'on a tourné la veste. Le DJ met mon son dans la boîte, c'est le spell. Un mec veut son label, un mec veut se faire du buzz. Mec, si tu ne sais pas boire, ne t'approche pas de moi. Ma sécu, c'est GP, tout pour tailler ta gueule de bois. Bref, nous comportons pas au reste. Ils sont devenus célèbres comme la femme à Kanye West. Chez nous, on fait des hits depuis l'époque de la Marelle. Oui, je sais, je vieillis pas, on m'appelle Sopra Farel. Prêt pour Bardel, Stringer Bell. Quand ils prennent le micro, j'entends Jigomets. Nous on brille sans l'aide de EDF. En boîte avec des lunettes à la Michel Polnareff. Yes, on rentre dans les clubs habillés comme des princes. Fraîche, fraîche, fraîche, en jean ou en pince. Mets-toi bien, ce soir c'est mon virus. Si tu danses à la Carlton, on danse quoi? On danse quoi? C'est tout, Jeffrey. Remets-nous des glaçons. Ah ouais, Jeffrey. Remets-nous des glaçons. Oh oui, Jeffrey. Remets-nous des glaçons. Débarque dans le VIP, stylé comme Fresh Prince. Une arrivée royale comme Eddie Murphy dans le Queens. Tous les yeux sur ma sape, ouais, tous les yeux sur ma sape. Toi t'es sapé comme sur Arte, donc dans ma tête de ça. J'entends des mecs qui... Et des mecs qui prennent des clacs, clacs, clacs, clacs, clacs. En voyant mon dernier snap, snap, snap, snap, back. Mesdames, je suis marié, pas de snap, snap, shot. Vision, ces mecs sont des mythos. J'ai plein de cousins depuis que j'approche le salaire de Eto. Il est trop tôt pour aller au Hilton. Laisse-moi danser. On y va. On rentre dans le club habillé comme des princes. Fraîche, fraîche, fraîche, en jean ou en pince. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui rince. Si tu danses à la Carlton, on danse. Connaissent le prince de Bel Air ici ou pas? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui veulent s'amuser avec moi sur scène maintenant? T'as levé la main, tu viens avec moi direct. Viens, viens, viens, viens, viens. Et on danse à la Carlton. Fresh Prince en live à l'instant, c'est extrait de l'album Cosmopolitanie avec en effet un featuring de choix. Il a dansé pas mal, mais je pense que j'étais un niveau au-dessus. Hein. Je suis désolé. Non, c'est vrai que tu dansais beaucoup mieux que moi et lui. C'est vrai qu'hier tu nous as impressionné. Peut-être qu'en fin de semaine je vous redonnerai ça ici. Ouais. On verra. Tiens, j'ai oublié de préciser par contre à Frimo qui a rappelé il y a quelques minutes. Tu repars évidemment avec ce jeu en exclu sur PS4 qui s'appelle Drive Club, qui est ici, qu'on peut tester. D'ailleurs, il y aura un petit concours vendredi. On pourra tester. Et toi, tu repars évidemment avec. Il sort demain, le Drive Club, à pas louper. Soprano sur Skyrock toute la semaine entre 20 et 21. Un petit mot quand même sur Fresh Prince qu'on écoutait. Parce que vous avez balancé, mais la voix qu'on entend, moi j'ai cherché au début, je me dis merde. Ah. Je croyais que c'était justement extrait de la fameuse série. Non. Et je me suis dit, c'est la voix française comme t'avais fait sur l'album des psychiatres. Non, c'est monsieur. Je vais le cramer. Attends, on va demander. Est-ce que vous savez qui fait la voix sur le morceau Fresh Prince qui dit gigoter, gigoter? Qui est Oncle Phil? Ah non, c'est pas Romano. C'est pas Romano. Il prenait trop cher. Je crois qu'il est en train de faire un remix en plus, on vient de me dire. Je crois qu'il est en train de bosser dessus, c'est sérieusement. Non, j'ai entendu le nom, il y a quelqu'un qui a dit le nom. C'est Mr. Vince. Ah, yes, Vincenzo, en effet. C'est ça. Hallucinant, quand même. Ouais. C'est né comment? Vous étiez en studio, en fait? C'est en fait, le truc, c'est que comment s'appelle Alonz, il est à l'intro du morceau. Faut écouter l'album pour comprendre qu'il est à l'intro du morceau. Vince, je lui dis, j'ai fait un morceau qui s'appelle Fresh Prince. On n'avait pas encore fait le refrain, je me rappelle. J'avais posé que les deux couplets. J'adorais l'instru. Je trouvais que ça collait bien par rapport au concept que j'avais de l'album. J'ai dit, Vince, vu que tu es un mec des boîtes, moi je suis pas trop un mec des boîtes, je connais pas Vince les clubs. C'est le mec du club de l'équipe. Voilà, lui c'est l'ambianceur. C'est un gars sérieux. Bien sûr. Donc une petite dédicace à ma petite nièce, je lui fais une petite bise. Et comment ça s'appelle? Il est arrivé au micro en fait. Il est arrivé, il a commencé à faire une voix comme Sexy Chocolat, pour les gens qui connaissent un peu le prince à New York. Et il a commencé à faire le fou, on était tellement morts de rire, on a gardé ça en fait. Et en même temps, en plus il faisait ça, moi je me suis mis au micro. Eux ils étaient dans la cabine pendant que le morceau est tourné, ils étaient en train de danser à la Carlton. Et après c'est parti, on a gardé ça. Il est parti comme ça, on a déliré, on a dit on garde. Le son qui a signé le son de ce morceau, c'est une grosse dédicace à LNT. LNT, ouais. LNT, voilà. C'est des compositeurs de Paris. Voilà. Qu'on a rencontré en studio et qui a eu des affinités avec Surprise, ça s'est fait tout seul quoi. Voilà, ils ont fait aussi le morceau Luna. Ouais. On a travaillé avec eux sur plusieurs morceaux, mais on a travaillé sur l'album avec Fred Savio, qui a fait le son donc de Clown. Qui a fait Clown, qui a travaillé avec nous sur. C'est un grand monsieur, Fred Savio, je tiens à le souligner. Ah, oui. C'est quelqu'un qui a fait des gros titres avec Orelsan, Zaro, tout ça. Et on a eu la chance de travailler avec lui sur cet album qui nous a beaucoup apporté musicalement, tout ça. Voilà. Donc c'est un grand pianiste. Donc c'est quelqu'un qui nous a beaucoup apporté sur l'album artistiquement. Et donc c'est lui qui a fait Clown. Il a fait pas mal d'arrangements sur plein de prods de l'album. Cosmo. Il a fait Cosmo aussi avec Ousni et moi. Et ben l'intro, je l'ai fait avec Fred aussi. Et Ousni, c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué à la réalisation de l'album. Exactement. Avec aussi Ludo et Thierry qui sont de l'NT. Et demain, on parlera aussi d'un petit que j'aime beaucoup, il s'appelle Jorafa. Oui. C'est lui qui a fait aussi quelques prods. Il a fait un morceau, il s'appelle Tiamo. Bon, il a fait trois morceaux. Fait Tiamo, même pas un peu. L'interlude. Mais bon, Tiamo, c'est pour demain. On en parlera demain entre 20 et 21 sur Skyrock. L'album sort lundi. On précommande dès maintenant avec en plus le morceau Clown. Si vous le prenez dès maintenant, Soprano Cosmopolitani. Avant de se quitter, on va faire tourner la roulette, puisque hier on n'a pas fait tourner, on a oublié. On va la faire tourner maintenant. Mais on n'est pas habitué. C'est parti. Skyrock t'offre. Elle est où la roulette? Le comique numéro 1 de la nouvelle génération. On l'a laissé dans le studio avec Fab. C'est Fab qui fait tourner. C'est lui qui fait tourner la roulette. Sarah, comment ça va, Sarah? Ça va très bien. Merci. Bienvenue. Bienvenue. Oh, taquet, Sarah. Ça va. Ouh. Applaudissements pour Sarah, s'il vous plaît. Écoute, comme tu as accueilli Sarah du côté d'Amiens, je te présente Soprano qui est là. Ah, crie déjà stop. On l'a perdu. On l'a perdu, Sarah. Pense qu'il faut dire Sarah, stop. Sarah, turfu, trop loin. Sarah, calme-toi. Assieds-toi, allonge-toi à la maison tranquille. C'est maintenant qu'il faut que tu fasses stop. Il y a Fab qui nous a balancé la roulette là-bas à Paris dans le studio Grenetta. Allez, quand tu veux. Voilà, et voilà, c'est bon. Et la roulette, on me le dit dans l'oreillette à l'instant même, qui s'arrête pour toi sur la case Kev Adams. Deux places pour aller voir Kev Adams en tournée. Ce sera du côté d'Amiens, près de chez toi. Ah bah. Oh, Sarah, tu es terminé. Ah, tu as de la voix sur ma mère. Sarah, ça va? Elle a du coiffe. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, calme-toi. J'ai pas entendu. Il n'y a pas de place pour ce pain. Ah, en plus, ça veut gratter. Regarde-moi ça. Ah, Sarah, tu me régales. Eh oui, on va trouver ça. Vous passez du côté d'Amiens, non? Il y a la tournée qui passe du côté, je crois, au Zénith d'Amiens, non? Si je me plante pas. C'est ça. Au Zénith d'Amiens, c'est parfait. Même Paris, je peux me déplacer. Ah, Sarah va partout. Elle arrive à hurler. Elle va partout. Les Comoriens. Les Comoriens représentent. Yes. On te fait un bisou, Sarah. Passe une bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas. Et merci à vous tous. Bravo une fois de plus d'avoir été ici. On était en public au 118 et on reviendra demain, Sopra. Voilà, demain. On va être de retour. Ah, ils sont chauds. Tu as vu, ça, c'est un supporter parisien qui donne de la voix, regarde. Et mais le mec, attends, il est là, tu vois. Il sait faire la différence. Il vient avec nous, il kiffe. Tu vois, merci mon poteau, ça fait plaisir. Bon, merci Sopra en tout cas. Demain, attends, je continue, il y a toujours une surprise. Continuons. Alors demain, que va-t-il se passer demain? Demain, il y a une présence féminine qui est là. Donc on va faire une grosse dédicace à la Miss qui va venir demain. Voilà. J'ai une petite idée. Elle était un peu déconnectée pendant tout l'été. Donc on va lui faire une grosse dédicace. Voilà. Vous avez trouvé qui c'est, évidemment. Voilà, vous avez trouvé demain rencard entre 20 et 21. Merci d'avoir été là. Avec la, la, la, la, la, la, la. Bien joué, mèche. Ouais. C'est mon côté humoristique. Voilà, demain on va passer aussi. Je crois qu'il y a Chiamo aussi qui va arriver sur internet, sur iTunes aussi. Pareil, il se débloquera entre à partir du moment où on précommande. Voilà, tous les gens qui ont précommandé entre minuit et 1h du matin, ils auront le morceau. Et bah très bien, donc rencard demain. Merci à vous tous. Voilà. Bonne soirée. Merci à tout le monde. En tout cas, ils étaient chauds ce soir. Ah, vous étiez très très chauds. Ah, ils étaient très chauds. Bon. Surtout le grand là-bas, là, le mec là, qui fait le costaud là. T'as vu un mec qui s'appelle Mathéo là. Oh, Mathéo, Et comme ils sont chauds, moi je les invite tous à venir le 20 mars au Zénith de Paris. Eh ben oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est Mège qui paye les invitations, vous voyez avec lui. Oh, je régale. Ice Tea, Coca, c'est tout pour moi. Ouais. Merci à vous tous. Nous allons nous connecter maintenant. Nous connecter avec la rue Grenetta, Eddie Fool et toute l'équipe. Oh, on est rue Grenetta, on est là, ça va Fredo? Attendez, est-ce qu'on peut accueillir Eddie Fool? Ah, quand même. Oh là là. Merci public. Et là, merci. Cette semaine, je sais que vous pouvez pas rivaliser. Non, ce soir, on est dans la merde. On est trop fort cette semaine. Oui, oui, il y a trop de monde demain soir aussi. Il y aura du monde entre 20h et 21h. Le Planète Rap à pas louper, c'est ton Planète Rap, Sopano. Yes, yes, on avec est là. Avec Kaina demain. Voilà, demain. Ah, oh, mais tu as balancé. Mais tout le monde avait grillé, tout le monde l'a dit, on les a entendus. J'ai compris que c'était elle. Bien sûr, t'as raison. Marie, pour griller les surprises, elle est super. Mais non. Marie, pour tout ce qui est surprise, vaut mieux oublier en fait. Tout le monde l'a dit derrière, j'ai entendu. Vous faites comme nous, on dit rien, nous, à Marie, comme ça, elle débarque dans l'émission, elle grille aucune elle surprise. Voilà. C'est le mieux. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne pour la prochaine fois. C'est malin. Oui, ouais. C'est malin, Marie, oui, ça. En tout cas, Romano, on attend toujours le remix. Tout le monde attend le remix. Avec ton gigoté sur Fresh Prince, Romano. Voilà, on attend ça. Putain. Ah, j'ai enfin vu ton clip. Ah, c'est pas t'as possible. Vu alors, c'est pas possible d'avoir un look aussi dément. Non, t'es jaloux non, en fait. Non, non, ta veste en fourrure, t'es tout. Non. Ah, mais moi, si je viens s'habiller comme ça, c'est ma tenue de scène. Si. C'est de la vraie peau de bête, hein. Ah, ouais, ouais. Non, mais c'est vraiment du gigoté. C'est du renard. Non, c'est du gigot, mon frère. C'est du gigot. Merci Sopra en tout cas. Et on te retrouve demain soir à 20h. On est de retour. À demain les amis. Et puis donc avec une surprise, n'écoutez pas le son que je mets derrière, sinon ça risque de vous indiquer quelle sera la surprise. Ah, je suis pas là, elle sera là demain soir. Avec toi Sopra. Elle s'est reconnectée. Elle est reconnectée. Ouais, c'est ça, ouais. Et elle sera connectée à fond demain sur Planète Rap, sur Skyrock, 20h, 21h. Ciao Sopra. Ciao. À demain. Ciao. On t'écoutera dans la soirée et on va retrouver dans un instant toute l'équipe, vous tous en direct. Je veux gigoter, on nous dit. Ben, on va le mettre. Le remix avec Snoop Dogg, Jason Derulo et Romano, les trois sur le même morceau. C'est pour vous tous. C'est tout du lourd. Suite. Du lourd. David Guetta débarque dans l'émission aussi. Et vous tous en direct dès maintenant, allez-y, c'est parti, Radio Libre.